Alors, merci beaucoup pour ces propos passionnants, stimulants. C'est toujours un peu troublant d'avoir l'impression que de se voir décrite par... voilà, on a toujours l'impression d'avoir une situation très individuelle. Et puis, en fait, il y a beaucoup de choses que vous avez dites qui me renvoient... J'ai eu beaucoup de retours quand j'ai publié J'ai une femme professionnelle. Voilà. Donc, alors, je vais vous en dire un peu plus que ça, évidemment. Je vais réagir sur plusieurs axes. Je vais vous dire quelques mots de ma propre situation, puisque c'est la commande qui était passée aussi, c'était de parler de ma propre carrière. Je vais essayer aussi de vous dire quelques mots de la juridiction administrative et de comment elle se positionne tant du côté des tribunaux et des cours et du Conseil d'État que du Conseil d'État par rapport à cette problématique. Puis je terminerai quand même, si j'ai le temps, et puis sinon ce sera pour les questions, par vous dire quelques mots également de l'association que je représente et de la place que peuvent avoir ces associations par rapport à cette question de renforcement de l'égalité professionnelle. Alors, pour commencer par vous dire qui je suis et d'où je vous parle, il y a quelque chose qui me semble important, c'est de vous dire que j'ai débuté ma vie professionnelle il y a à peu près 20 ans, à une époque où on parlait beaucoup moins de questions d'égalité professionnelle. Et pour ma part, c'est une question à laquelle je n'étais absolument pas sensible et j'étais persuadée que tout était absolument réglé et qu'il n'y avait pas de problème. Et donc mes choix de carrière, en tout cas mes premiers choix, ne se sont pas du tout faits à l'aune de cette question, et donc ce sont des questions qui sont venues au fur et à mesure de ma carrière. Donc je ne suis pas arrivée dans la fonction publique comme militante féministe, c'est venu au fur et à mesure de ma carrière. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que j'ai effectivement, comme l'a dit Mathilde, un parcours assez diversifié, qui est assez représentatif des parcours de ceux qui, dans la juridiction administrative, ont la bougeotte, si on peut dire. C'est pas toutes les femmes et les hommes de la juridiction administrative n'ont pas de ce genre de parcours, mais c'est finalement assez classique, puisque j'ai commencé au tribunal administratif de Melun, où j'ai été rapporteur et rapporteur public pendant quelques années. Ensuite, j'ai rejoint la Cour nationale du droit d'asile, où j'étais secrétaire générale adjointe, donc sur des fonctions beaucoup plus opérationnelles et généralistes. Je suis ensuite retournée en juridiction administrative au tribunal administratif de Strasbourg, donc avec une petite mobilité géographique, où j'ai à nouveau été rapporteur et rapporteur public. Ensuite, j'ai rejoint le ministère de l'Éducation nationale, alors qu'il me semble pourtant un ministère très sérieux, contrairement à ce qui vous a été dit, à mon sens peut-être même le plus important. Et j'ai occupé un emploi fonctionnel, donc j'ai été cochée comme première nomination dans un emploi fonctionnel, puisque j'étais sous-directrice des affaires juridiques de l'enseignement scolaire pendant quelques années. Ensuite, j'ai rejoint le tribunal administratif d'Amiens comme rapporteur public, et j'ai intégré le Conseil d'État il y a 2 ans et demi comme maîtresse des requêtes, par la voie du tour extérieur, donc sans être passée par l'ENA, et avec une deuxième partie de carrière au sein d'un des grands corps de l'État, et à une époque, je le dis tout de suite, où le Conseil d'État, dans sa politique de recrutement et de ressources humaines, affichait de manière très volontariste sa volonté d'attirer des femmes et des hommes, mais des femmes, des tribunaux administratifs et des cours. Et je crois que moi, ce qui m'a fait sauter le pas, ça a vraiment été des politiques de communication qui ont été mises en œuvre par le Conseil d'État en interne, hein, vis-à-vis des femmes magistrates, pour leur dire « Venez, ce n'est pas que pour les hommes ». Et pour ma part, c'est vraiment quelque chose qui a compté dans mon choix de sauter le pas. Voilà, c'était le premier élément un petit peu personnel. Et ce que je voulais dire aussi, mais Mathilde l'a dit, je parle ici évidemment en mon nom, je ne parle pas au nom de la juridiction administrative, et je représente aussi l'association Justice Administrative Alter Égal, dont je suis secrétaire générale. Et puis dernière chose, puisqu'on a parlé de questions de conciliation, j'ai 2 enfants et ça fait aussi partie de la manière dont je vis ma carrière et dont je m'interroge sur toutes ces questions. Alors, pour commencer sur la place des femmes dans la juridiction administrative, je crois que la question que vous posez régulièrement dans le séminaire, c'est celle de savoir s'il y a une seule fonction publique, quelles sont les convergences, les divergences. Donc, j'ai essayé d'identifier ce qui pouvait y avoir de commun, ce qu'il y avait de différent. Donc, j'identifie les deux, des convergences et des divergences. Mais d'abord, il faut que je vous dise où nous en sommes s'agissant de l'égalité professionnelle au sein de la juridiction administrative. Et pour vous dire où nous en sommes, il faut que je vous dise d'où nous venons, sachant que la juridiction administrative n'est pas beaucoup étudiée. On est moins étudié que les judiciaires, alors on est beaucoup moins nombreux. Mais ça justifie quand même pas, à mon sens, le faible nombre d'études. Alors, chaque fois que je suis invitée à prendre la parole, je fais toujours un petit appel du pied à tous les chercheurs dans la salle. Venez nous étudier, parce qu'il y a des choses très intéressantes à voir chez nous. Il y a beaucoup de convergences, évidemment, avec les carrières dans les judiciaires, mais pas uniquement. Il y a aussi des spécificités. Donc, je m'appuie sur ce que j'ai, mais il me manque des choses, et notamment, il manque des choses sur les trajectoires, et qui, comme vous l'avez dit, sont des éléments très importants. Alors, Donc, dans les tribunaux administratifs et les cours administratifs d'appel, la création du corps des magistrats administratifs date de 1953. Et la première femme, la seule qui rejoint la juridiction administrative en 1953, c'est Marcel Pipien. Il faut toujours donner le nom des pionnières. Donc, je le fais dès que je le peux. Qui est arrivée au 1er janvier 1954 comme conseillère de préfecture. Et 20 ans plus tard, Marcel Pipien sera aussi la première femme présidente de tribunal administratif, puisqu'elle a commencé au tribunal administratif de Rouen. Il faudra encore attendre 1991 pour qu'une femme soit présidente de cour administrative d'appel, à savoir Marie-Aimée Latournerie, étant précisé quand même que les cours administratives d'appel n'avaient été créés que quelques années plus tôt. Ça, c'est pour les débuts. Si on regarde en termes de grande masse, en 1981, il y avait 15% de femmes magistrates administratives. 40 ans plus tard, en 2021, il y en avait 46%. Et toujours en 2021, 38% de femmes avec le grade de président. Il y a trois grades dans le corps des tribunaux administratifs et on rejoint en général le grade de président au bout de 15 ou 20 ans de carrière. Ça, c'est pour les tribunaux administratifs et les cours. Du côté du Conseil d'État, pareil, c'est 1953, l'année des pionnières. Les deux premières femmes à arriver au Conseil d'État, ce sont Jacqueline Bauchet et Louise Cadou, qui sont arrivées comme auditrices à la sortie de l'ENA. Et je vais reprendre les propos de Jacqueline Bauchet, qu'on retrouve d'ailleurs même sur le site du Conseil d'État, sur les pages consacrées aux pionnières de la juridiction administrative. Donc je la cite, quand elle raconte son arrivée au Conseil d'État. « Les collègues qui nous accueillirent furent charmants, courtois, amusés, curieux, étonnés, intrigués, réservés, voire ironiques. Un brin sceptique pour quelques-uns, que diable venait-elle faire dans ce temple du droit administratif ?» Donc ça, c'était en 1953, on n'en est plus là, évidemment, mais ça dit quand même quelque chose d'où nous venons. Et ensuite, la première rapporteure publique, c'est à l'époque commissaire du gouvernement, c'est 10 ans plus tard, Nicole Questiot. Et la première femme présidente d'une section administrative, c'est Suzanne Grévis en 1985. Alors ensuite, pour vous donner à nouveau des grandes masses, en comparaison à ce que je vous ai donné pour les tribunaux administratifs et les cours, en 1988, il y avait 10% de femmes membres du Conseil d'État. En 2021, 35%. Donc on voit que ça s'est féminisé plus lentement que dans les tribunaux et les cours. Et je vais rendre un petit hommage à Olivia Buxuan qui a écrit un ouvrage tout à fait remarquable en 2020 qui s'appelle « Les femmes du Conseil d'État » et qui parvenait à la conclusion, je la cite également, « Les femmes du Conseil d'État, si elles ne subissent pas de discrimination manifeste, restent cantonnées dans la partie dominée de l'élite. » Finalement, ça rejoint ce que vous pouviez évoquer sur les carrières et les trajectoires. Alors, ces constats datent d'il y a plus de 20 ans et pour ma part, je ne pense pas qu'ils soient vrais aujourd'hui, mais ils disent beaucoup de l'histoire de l'institution. Et d'ailleurs, dans ses écrits, elle identifie également, et c'est très classique, que l'intégration des femmes au sein du Conseil d'État s'est faite au prix de l'effacement de leur féminité, de leur maternité, etc. Et donc en intériorisant les valeurs et les représentations des membres du sexe masculin, je ne fais que la citer. Alors, ça c'était l'histoire. Si on regarde aujourd'hui, il y a incontestablement un gros progrès s'agissant de la féminisation et à tous les niveaux, puisque au 31 décembre 2023, je n'ai pas les chiffres de 2024, mais ils sont sensiblement identiques. 38% des membres du Conseil d'État étaient des femmes, mais 46% des auditeurs étaient des auditrices, donc c'est le premier grade. Et quand on regarde au grade d'au-dessus de maître et maîtresse des requêtes, on a 41% de maîtresse des requêtes. Donc on voit que ça se féminise par la jeunesse et par les recrutements. C'est pareil, et donc c'est mieux. Si on s'en tient aux chiffres que vous nous avez donnés, et à cette fameuse catégorie A+, c'est mieux que dans le reste de la fonction publique. Dans les tribunaux et les cours, c'est encore mieux, puisque ça y est, le corps est majoritairement féminisé à 52%, mais avec 34% de présidentes uniquement. Et puis si on regarde toutes les autres femmes de la juridiction administrative, et ça c'est un élément très important également quand on parle des carrières, parmi les agents du Conseil d'État et de la Cour nationale du droit d'asile, donc les greffières, les agents des services administratifs, on a 68% de femmes, sans différence significative en fonction des grades, donc peut-être qu'il y a suffisamment de femmes pour qu'il n'y ait plus vraiment de différence au niveau des postes d'encadrement. Pour les agents du Conseil d'État, pas les agents de greffe, pour les agents de greffe, on est à 74% de femmes, mais 64% de greffiers en chef, 64% qui sont des greffières. Alors, ça, c'était tout le tableau positif. Ce qu'on constate quand même, vous l'avez vu vous-même, c'est que ce n'est pas féminisé de la même manière dans tous les corps et à tous les niveaux. Et puis, il reste la question de l'encadrement supérieur, des postes aux plus hautes responsabilités, puisque quand on regarde les chefs et les chefs de juridiction, chez les présidents de cours administratifs d'appel, il y a 9 cours administratifs d'appel, 5 hommes, presque à la moitié. Et quand on regarde chez les présidents de tribunaux administratifs, actuellement, donc il y a 37 présidents et 14 femmes. Et là, par contre, on voit qu'il y a un décrochage assez important par rapport aux autres chiffres que je vous ai donnés. Et puis, c'est pareil quand on regarde l'encadrement, si je peux le qualifier ainsi, d'encadrement supérieur du Conseil d'État, même si ce n'est pas une notion juridique. Le bureau du Conseil d'État comporte 7 personnes, donc le vice-président du Conseil d'État, le secrétaire général et les présidents de section. Actuellement, il est composé de 2 femmes sur 7, et à ma connaissance, il n'en a jamais eu 3. Et ce qu'on appelle la troïka, c'est-à-dire l'instance qui est composée du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de la section du contentieux, est composée de 4 hommes, et au mieux, il y a eu une femme. Et il n'y a jamais eu de femme vice-présidente du Conseil d'État, il n'y a jamais eu de femme présidente de la section du contentieux. Même si j'apporte tout de même un bémol à tout ce que je viens de vous dire, on est sur des ratios et des populations qui sont très petits. Et donc, c'est plus difficile d'en tirer des conclusions sur ce que ça veut dire sur la place des femmes dans une institution. Je ne dis pas que ça n'en dit rien, mais que ce sont tout de même des plus petits ratios. Et on voit finalement que le plafond de verre, il est plus ouvert finalement à l'extérieur, puisqu'on a notamment une femme qui est secrétaire générale du gouvernement et qui est membre du Conseil d'État. Mais pour ma part, je trouve que la progression est trop lente. Et il y a quelques jours, au Conseil d'État a été inaugurée la salle Suzanne Grévis, première salle au sein du Conseil d'État portant le nom d'une femme. Ce qui est aussi intéressant sur ces questions de visibilité, mais j'y reviendrai. Et Suzanne Grévis a été la première présidente de section, je vous l'ai dit, en 1985. Donc à l'époque, il y a 40 ans, quand elle a rejoint le bureau, il y avait une femme membre du bureau, donc on était déjà à 1 sur 7. 40 ans plus tard, on est à 2 sur 7. Voilà. Alors, je ne veux pas vous assommer de chiffres, mais bon, je pense quand même que ça permet ça dit beaucoup de choses. Il y a d'autres chiffres qui sont intéressants. 95% des congés parentaux de la juridiction administrative sont pris par des femmes. Enfin, ce sont des chiffres 2023. Et sur le temps partiel, 8,5% des femmes sont à temps partiel et 1,5% des hommes au sein de la juridiction administrative. Dernier élément, c'est l'index égalité. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif permet de mesurer de façon objective les écarts de rémunération et de situation entre les femmes et les hommes, d'identifier des axes de progression, etc. La juridiction administrative n'y est pas soumise, mais volontairement, elle est soumise à l'index égalité. Donc, on a des chiffres qui sont pas mal, hein, puisque le score est de 82 sur 100. Et il y a deux items pour lesquels on est moins bon. Ce sont les 10 plus hautes rémunérations, où là, le score est de 2 sur 10. Et en fait, c'est le reflet de ce que je vous ai dit sur l'encadrement supérieur. Et les 10% des plus hautes rémunérations du DNE, donc le dispositif de nomination équilibré, qui est aussi plus favorable aux hommes et aux femmes. Voilà, ça c'est le tableau objectif de la situation. Alors, après ce tableau, je voudrais évoquer 2 points. D'abord, les perspectives pour la juridiction administrative, étant précisé que je suis d'un naturel plutôt optimiste. Et puis, ce qui nous rapproche, nous différencie des autres, donc je dis les autres de manière très générale, hein, la fonction publique d'État, les autres fonctions publiques, de ce que j'en sais ou je crois en percevoir. D'abord, sur les perspectives, ce que je voudrais souligner, c'est que le sujet de l'égalité professionnelle au sein de la juridiction administrative, c'est un vrai sujet, mais c'est un sujet récent. En réalité, la juridiction administrative a été labellisée égalité-diversité, elle en est à son deuxième protocole d'accord. Le premier protocole d'accord date de 2020, c'est-à-dire l'année de création de l'association Justice Administrative Alter Égale. Et c'est un sujet dont on parlait peu, y compris du côté des organisations syndicales qui, depuis quelques années, se sont appropriées le sujet et s'y engagent. Elles en parlaient moins, voire pas du tout, auparavant dans la juridiction administrative. Et du côté institutionnel, il y a une volonté très forte du vice-président du Conseil d'État et du secrétariat général, et je répète, je ne parle pas au nom de l'institution, c'est mon avis hein, personnel, mais je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais il y a une vraie volonté forte de développer ces questions, de s'y intéresser, avec notamment des chiffres. Donc, je ne vous rejoins pas sur ce que vous identifiez concernant les lacunes du côté de la DGFP, enfin ce que vous identifiez en tout cas, puisqu'on a des chiffres. Et il y a une volonté également de se soumettre aux obligations de nomination équilibrée et au dispositif Sauvadet, puisque nous ne sommes pas dedans. Et donc là, j'ai sous les yeux le deuxième protocole d'accord, où l'objectif, c'est de tendre sur 5 ans vers l'objectif global de 40% de personnes de chaque sexe en poste dans certains grades et emplois relevant des emplois supérieurs. Et dedans, vous avez les différents grades. Vous avez également les emplois de président de chambre au Conseil d'État et de président de section au Conseil d'État. Alors évidemment, comme on n'est pas dans le dispositif Sauvadet, il n'y a pas le dispositif de sanction qui va derrière, mais je reste persuadée que ça peut aussi fonctionner comme ça quand on a un engagement institutionnel fort avec un outil souple, mais dans lequel il y a quand même des engagements qui sont pris. Et puis, il y a aussi autre chose. La carrière, ce n'est pas que le pourcentage de femmes qui occupent des postes d'encadrement supérieur. C'est aussi tout ce qui se passe dans une institution, toute la prise en compte de ces questions. Et là aussi, du côté de la juridiction administrative, il y a une attention beaucoup plus forte que quand je suis arrivée dans le corps, tout simplement. Il y a un peu moins de 20 ans, on a maintenant une charte des temps, des formations. Le sujet est porté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet. Mais enfin, qu'il n'y a pas de difficulté, mais en tout cas, ça fait partie de l'ambiance générale de travail. Et puis, un élément aussi, et une fierté, parce que c'est l'association Justice Administrative et Alter Egal qui en est à l'origine. Vous avez vu, je me suis présentée comme maîtresse des requêtes. Ce n'est pas un acte militant de ma part. Tous les actes au sein de la juridiction, on ne parle plus de femmes maîtres des requêtes depuis un an et demi. Et surtout, toutes les décisions de justice sont féminisées. Et ça fait partie des consignes rédactionnelles qui sont données. Donc, et si vous regardez du côté de la juridiction judiciaire, ce n'est pas exactement la même chose. Donc on peut le dire et ça participe aussi beaucoup à mon sens. Enfin, je crois beaucoup au fait que la langue reflète le monde dans lequel on est, mais que la manière dont on lise la langue peut avoir un impact sur le monde et qu'avoir des décisions de justice dans lesquelles on parle de maîtresse des requêtes, de rapporteur de présidente de greffière, etc., ça a du sens. Et ça, sur ce point-là, la juridiction administrative est au point. Alors, de temps en temps, on découvre des quelques documents qui n'ont pas été féminisés. Et puis, bon, c'est aussi le rôle des associations de venir les signaler. Mais il reste une petite impression que chez nous, il n'y a pas de problème, justement parce qu'on a un taux de féminisation qui est plus élevé qu'ailleurs, parce que la carrière se déroule un peu différemment, et que donc, il n'y a rien à faire. C'est pour ça que je pense qu'on est un petit peu à la croisée des chemins. Et la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à atteindre la dernière marche ? Est-ce que la différence est la question à laquelle je n'ai pas de réponse, et c'est pour ça que je fais mon deuxième appel aux chercheurs dans la salle, c'est est-ce que la différence entre le taux de féminisation, s'agissant de l'encadrement supérieur du Conseil d'État, c'est le reflet de la féminisation progressive des carrières ? Il n'y avait pas de femmes avant 1953 au Conseil d'État, tout simplement, et elles sont arrivées progressivement. Et donc, est-ce que c'est l'effet de la pyramide des âges, ce qu'on entend le plus au sein de la juridiction, c'est que ça va venir ou est-ce que ce n'est pas le cas ? Et est-ce que finalement, le plafond de verre, il existe encore ? Je n'ai pas de réponse, plutôt je n'ai pas de certitude, et je pense qu'on ne peut y répondre vraiment qu'avec des analyses de trajectoire, et puis en laissant aussi un tout petit peu de temps. Mais mon interrogation quand même, c'est le nombre de femmes présidentes de tribunaux administratifs, où à ce jour, je ne suis pas certaine que ça ne soit que le reflet de la pyramide des âges. Je crois qu'on est vraiment à la croisée des chemins sur cette question, et peut-être que dans 10 ans, je ne vous répondrai pas de la même manière. En tout cas, les défis que j'identifie pour le futur, pour la juridiction administrative, donc je vous l'ai dit, hein, on est à cette croisée des chemins. Il y a aussi un sujet, et c'est en lien avec ce que vous disiez, Monsieur Jacquemart, sur la réforme de la haute fonction publique. Depuis peu, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel sont soumis à une double obligation de mobilité, c'est-à-dire que pour atteindre le grade de président de chambre, il faudra, donc c'est le début, hein, puisque ce sont que ceux qui sont rentrés dans le corps en 2022 ou en 2023, il me semble, il faudra avoir accompli deux mobilités. Donc la mobilité, elle n'est pas nécessairement géographique, sauf que de facto, quand on réside hors de Paris, il y a des postes hors de Paris, mais il n'y en a pas tant que ça. Et donc pour les magistrates et les magistrats qui ont une vie familiale ancrée sur un territoire, cette question de double mobilité, le plus souvent géographique, elle va poser des questions. Ça, c'est plus une inquiétude. Et puis, j'ai trois autres questionnements. C'est la question de la visibilité. Donc je vous ai dit, on a une salle Suzanne Grévis. On attend les autres. on a encore beaucoup d'événements où il y a beaucoup d'hommes en tribune. Parce que quand on invite le président du Conseil constitutionnel, le président du Conseil d'État, le président de la Cour européenne des droits de l'homme et le président de la section du contentieux, il y a des hommes. Et donc, voilà, il y a un vrai sujet. Et puis, la question que je me pose, c'est aussi la manière dont l'institution, sur le fond, peut évoluer, je dirais presque dans sa philosophie. Et dans les documents que vous nous aviez transmis, qui nous avaient été transmis, Monsieur Jacquemart, j'ai découvert des travaux que je ne connaissais pas de Rosabeth Moss Kanter, qui a écrit en 1977 qu'au-delà de 35% de la composition d'un groupe, les minoritaires, donc ici les femmes, peuvent faire des alliances et affecter la culture du groupe majoritaire. Alors j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, puisqu'en fait 35% c'est un tout petit peu en dessous de la part des femmes au sein du Conseil d'État. Et ça c'est quelque chose que je vis, que j'ai le sentiment de vivre au quotidien, en tout cas que voilà, on est nombreuses et que donc... voilà, la féminisation des juridictions peut avoir une influence aussi sur l'ensemble de la culture de la juridiction. Alors, moi aussi, je commence déjà à dépasser un peu le temps, mais sur ce qui nous rapproche et peut nous différencier, c'est évidemment difficile, d'abord parce que je ne suis pas chercheuse, hein, je suis avant tout magistrate, mais j'ai essayé d'identifier ce qu'il y avait comme point de divergence et de convergence. Alors sur les points de convergence, je retrouve beaucoup de choses que vous avez dites, notamment sur le rôle du concours, sur l'amélioration progressive de la situation, sur cette question du plafond de verre, je vous l'ai dit, je vous ai donné les chiffres. Sur la question qui reste très féminine de la conciliation vie privée, vie professionnelle, sur la réforme des corps qui est donc peu, je ne sais pas si elle est aveugle, mais en tout cas qui n'a pas pris en compte certains éléments d'égalité professionnelle. Je vous ai parlé de la question de l'obligation, de la double obligation de mobilité. Mais encore une fois, on manque vraiment d'analyse précise des trajectoires et des parcours. Et Johan Demoly et Laurent Villemez l'ont fait chez les femmes magistrates judiciaires. Et donc voilà, il nous manque ces éléments-là. Mais j'ai trouvé quelques différences quand même avec ce que vous avez dit. D'abord sur la place du management et sur la place de l'expertise, parce que quand on est magistrat administratif, on ne manage pas avant une deuxième partie de carrière. Et donc ça veut dire quand même que dans la manière dont on valorise les carrières, on peut avoir une très belle carrière sans avoir eu beaucoup de postes d'encadrement. Finalement, c'est plus à l'occasion des mobilités qu'on peut rechercher ces fonctions d'encadrement, mais c'est moins valorisé. Ça reste valorisé parce qu'un jour on devient président de chambre, on peut présider un tribunal, et c'est pareil au Conseil d'État. Mais la place de l'expertise, elle est forte et elle est valorisée. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, dans les obligations qui s'imposent, ou plutôt qui ne s'imposent pas à la juridiction administrative, on n'est pas à la même enseigne que les autres corps de la fonction publique. Donc, je vous l'ai dit, on a un protocole d'accord dans lequel, égalité, donc, dans lequel il y a des engagements, mais c'est quand même pas exactement la même chose. Autre chose, c'est un peu en lien avec ce que je disais sur le management, les carrières, en tout cas en première partie de carrière, sont moins différenciées. Quand on est magistrat administratif, on est rapporteur ou rapporteur public, on a vocation à occuper les deux. On peut avoir des activités extérieures, des activités d'enseignement par exemple, mais enfin, les carrières peuvent beaucoup se ressembler. Alors après, la différence peut se faire dans les choix des postes occupés en mobilité, dans la mobilité géographique, mais je crois quand même qu'il y a moins de différenciation, et donc ça peut faciliter la tâche, notamment des femmes. Lorsque on avait préparé cette intervention avec Mathilde, tu m'avais posé la question de la place du statut. Est-ce que l'indépendance dont nous bénéficions peut intervenir sur ce terrain-là? Moi, je ne crois pas. Moi, je l'ai plutôt ressenti comme une forte protection lorsqu'on est en mobilité à l'extérieur, puisque quand on est magistrat administratif, on ne dépend pas d'un cabinet ministériel. Mais je n'ai pas forcément vu le lien avec la question du genre. Et puis, la grosse différence que je fais, et je vais peut-être vous étonner, c'est sur la question de la liberté d'organisation. Puisque quand on est magistrat administratif, quand on est membre du Conseil d'État, on a évidemment des contraintes horaires liées aux séances d'instruction, aux délibérés, aux audiences, aux réunions diverses et variées. Et dans l'ensemble, c'est un travail assez solitaire. Et donc, avant même, en fait, on a été extrêmement précurseurs, puisque au moment du Covid, on savait tous travailler à la maison, on avait tous les outils. Et finalement, la juridiction administrative, en quelques jours, s'est mise en ordre de marche. Enfin, voilà, on savait tous faire. Et donc, tous ces changements sociétaux liés au télétravail, on les vit depuis longtemps. Et on entend beaucoup qu'en fait, c'est une grande force et que ça permet aux femmes, ou en tout cas à ceux qui ont des enfants, parce que aussi des hommes qui vont faire le choix de s'investir dans la vie familiale, que cette liberté d'organisation, c'est un grand avantage, et on le retrouve dans les entretiens qui ont été menés par Olivia Buxan dans ses études au Conseil d'État. Mais moi, je crois que c'est en fait le plus grand risque en termes d'égalité professionnelle, cette liberté d'organisation, parce que c'est à la fois une force quand on sait le manier, mais c'est aussi le plus grand risque parce qu'en fait, quand on a une liberté d'organisation, dans la négociation dans le couple pour savoir qui va aller à la réunion à l'école, qui va supplier l'absence de la nounou, qui va aller chez le dentiste, et bah, c'est difficile de dire qu'on est occupé alors qu'en fait, le travail qu'on avait à faire de 14h à 18h, finalement, on peut le faire le soir et le week-end. Et en fait, je crois que moi, ce qui m'a donné une anecdote personnelle, mais je crois que moi, ce qui m'a rendue très attentive à cette question, c'est quand j'étais très jeune au tribunal administratif de Melun, une collègue m'a expliqué que ses enfants pensaient qu'elle n'avait pas un vrai travail. Et c'était tout à fait normal que ses enfants pensent ça, puisqu'elle était toujours disponible, et dès qu'il y avait quelque chose, c'était elle qui faisait tout. Mais résultat, elle travaillait le soir, elle travaillait le week-end, elle était fatiguée, et puis elle avait moins de temps, peut-être, pour développer d'autres activités, performer, etc., etc. Et c'est difficile de travailler comme ça. Donc, en fait, ça, c'est un conseil que je donne. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des personnes qui sont intéressées par la juridiction administrative, mais ça vaut pour d'autres. Je pense que ça vaut aussi pour les enseignants-chercheurs. Je pense qu'il faut être capable, dès le début, de dire que ce n'est pas parce qu'on n'a rien dans son agenda qu'on n'est pas occupé. Et pour ma part, ce qui, moi, m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai eu mon premier enfant lorsque j'étais à la Cour nationale du droit d'asile, où donc, j'avais aucune disponibilité horaire. Et donc, j'ai construit mon rapport à la parentalité dans les schémas tout à fait classiques que vous décriviez, sans culpabilité, en déléguant. Et j'ai continué à faire pareil quand je suis revenue dans la juridiction administrative. Alors, cette opinion, elle est très personnelle et je sais qu'elle n'est pas forcément partagée, puisqu'en fait, quand on se débrouille bien, c'est quand même beaucoup plus simple. Quand il y a une contrainte organisationnelle familiale, de pouvoir poser son dossier et d'aller le faire. Mais je trouve que c'est quand même un élément important et je trouve aussi que ça renvoie à une question très individuelle et donc à la négociation au sein du couple, cette question de l'égalité professionnelle. Et du coup, ça rend la problématique moins macro. C'est finalement, l'organisation a peut-être professionnelle pense qu'elle a moins à se saisir de cette question puisque finalement c'est assez souple et on retrouve exactement les mêmes problématiques que vous évoquiez ailleurs sur le fait qu'on ne prend pas ses jours enfants malades parce que de toute façon on ne pose pas de jours et donc finalement qu'est-ce qu'on fait? Ben, on travaille tout le temps sauf quand on est en train de s'occuper de sa famille. Donc voilà, là je vois quand même un élément fort de différenciation par rapport au reste de la fonction publique. Et si j'examine ma carrière, alors je vous ai déjà donné des éléments personnels, mais en me demandant bon, qu'est-ce qui fait que j'arrive aujourd'hui, où j'en suis et qu'est-ce qui m'a permis de progresser. Alors moi, j'ai un homme extraordinaire, mais en fait, quand je m'interroge, on a un partage des tâches. Alors pas un homme extraordinaire au sens de la femme extraordinaire que vous décriviez précédemment, puisque en réalité, c'est un homme extraordinaire parce qu'on partage les tâches à égalité, quelles que soient les fonctions des uns et des autres, mais je me retrouvais aussi beaucoup dans ce que vous décriviez sur la baisse de disponibilité avec l'augmentation de l'âge des enfants et comment on progresse. Et puis le fait finalement que moi, je suis arrivée dans un grand corps par la petite porte finalement après d'autres étapes dans la carrière. Et je voudrais dire quelque chose également. Pour ma part, j'ai toujours eu avec moi mon petit syndrome de l'imposteur qui m'a accompagnée pendant toute ma carrière et je fais le choix d'en parler systématiquement parce que bon, au bout d'un moment, ça va quand même un tout petit peu mieux, mais j'en parle toujours parce qu'en fait, ce qui m'a permis de comprendre, d'abord que c'était pas une question personnelle, mais une question plus générale, c'est d'en parler avec d'autres femmes inspirantes, des rôles modèles qui, quand on a une femme qu'on admire, qui a 10, 20 ans de plus, qui vous dit « non mais moi aussi, en fait, j'ai peur ». Ça change un petit peu le rapport à cette question. Et pour ma part, j'ai toujours interrogé mes choix à la lumière de cette question. C'est-à-dire que quand j'ai eu la tentation de dire non à quelque chose, je me suis toujours arrêtée en me demandant si c'était vraiment parce que j'en avais pas envie, et auquel cas il n'y a pas de problème, ou si c'est parce que j'avais peur de ne pas y arriver et que je m'auto-limitais. Donc voilà, en tout cas, j'ai essayé de réfléchir en préparant cette intervention à comment j'expliquais mon parcours, et je crois que cette question-là, elle est importante pour moi, d'où le fait d'en parler, parce que je pense qu'on n'en a pas terminé s'agissant de tout ce qui relève de la socialisation primaire et de la manière dont une femme va arriver sur le marché du travail avec ses interrogations sur sa place dans le monde et sa légitimité par rapport à d'autres. Alors, je voulais aussi vous dire des choses sur l'association Justice Administrative Alter Égale, mais ça fait déjà un petit moment que je parle, donc je vais garder ça pour la fin. Un mot seulement, parce que vous ne l'avez pas évoqué, et je crois que Moi, je crois fermement en l'action collective et dans le fait que ça peut avoir un impact sur les organisations. Et je crois vraiment que tous ces réseaux féminins qui existent, mais qui ne sont pas que des réseaux de femmes pour la plupart, parce que ce n'est pas une question de femmes, l'égalité professionnelle, c'est une question collective et générale, ça peut avoir un impact sur les organisations, ça les accompagne et ça joue le rôle d'aiguillon quand les organisations sont engagées dans cette démarche, et ça peut servir aussi à venir identifier des freins et objectiver des situations, puisqu'en général, c'est toujours la même chose quand la question qui est posée est celle de savoir si, est-ce qu'il y a un sujet. Est-ce que le sujet, c'est la pyramide des âges ou est-ce que c'est autre chose? Eh bien, il faut des chiffres, il faut des études pour objectiver des sentiments, des impressions, etc. Et donc, voilà, donc, je crois que ce mouvement, depuis quelques années, par lequel les femmes ont pris aussi en main cette question de leur place dans l'égalité professionnelle, leur place dans les organisations, il a un impact et il peut influer sur les organisations. Voilà ce que je voulais vous dire à ce stade, et puis je pourrais vous en dire un peu plus au stade des questions, évidemment, sur ces différents sujets et sur ce que nous faisons au sein de l'association Justice administrative altérieure.